Et si on parlait cinéma aujourd'hui avec le film Black Panther Forever qui est critiqué, voilà, par le ministre français des Armées. Nous vous disons tout dans ce numéro. En effet, le ministre français des Armées a dénoncé dimanche la représentation que l'on a fait des soldats français dans la surproduction de Marvel Black Panther, où ces soldats sont représentés comme étant des personnes qui sont venues en Afrique uniquement pour le pillage des biens. L'entourage du ministre souligne voilà la colère du ministre en regardant le film, alors qu'on est dans une situation géopolitique où la France accuse la Russie de lui mener une guerre informationnelle, surtout en Afrique. Le ministre français, d'autre part, a souligné la liberté d'une œuvre artistique dont la France n'a ni le retrait ni la censure. Afrique Média, le monde, c'est nous.